Chapitre 303, l'interdiction de consulter les voyants, les astrologues, les devins et tous ceux qui prétendent lire dans le sable, les cailloux, les grains d'orge, etc. 1668. D'après Aïcha, radiyallahu anha, des gens interrogèrent le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, au sujet des voyants. « Ils n'ont aucun pouvoir », répondit-il, alayhi salatu wassalam. « Ô messager d'Allah, dirent-ils, pourtant ils annoncent parfois des choses qui se produisent réellement. Ce n'est qu'une parole vraie que le djinn saisit et souffle à l'oreille de son complice, le voyant, qui la mêlera sans mensonge », répondit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version d'Al-Bukhari, Aïcha rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Les anges descendent dans les nuages et mentionnent une chose décrétée dans le ciel. Satan l'écoute alors furtivement et la souffle au voyant qui la mêle à 100 mensonges venant de lui. » 1669. Safiya bint Abi Ubaid rapporte d'après l'une des épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, que ce dernier a dit « Quiconque se rend chez un devin, l'interroge et croit en ce qu'il dit, verra ses prières, salat, refusées durant 40 jours. » Muslim. 1670. Qabisa ibn al-Mukhariq, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « La géomancie, divination consistant à tracer des traits sur le sol, les augures, et l'ornithomancie, divination par le vol des oiseaux, sont de la magie et de l'idolâtrie. » Abu Daoud, avec une bonne chaîne de narrateurs. Hadith jugé faible par Sheikh Al-Albani. Rahimahullah. 1671. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque utilise l'astrologie se sert en fait d'une des branches de la sorcellerie. Plus il s'en sert, plus il s'enfonce dans la sorcellerie. » Abu Daoud. 1672. Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, radiyallahu anhu, rapporte avoir dit « Ô messager d'Allah, je viens à peine de me défaire du paganisme, de la jahiliya. Allah Ta'ala nous a apporté l'islam, mais il y a encore parmi nous des gens qui consultent les voyants. » Il dit « Toi, ne les consulte pas. » J'ai ajouté, il y a parmi nous des gens qui consultent les oracles et croient encore aux mauvais présages. Il dit, ce ne sont que des impressions qui ne doivent pas les empêcher d'agir. J'ai poursuivi en disant, il y en a aussi qui tracent des traits sur le sable pour lire l'avenir. Il y avait un prophète qui traçait également des traits sur le sable. Celui qui arrive à tracer le même type de traits que lui est autorisé à s'adapter à cette pratique. Muslim. Note du traducteur. L'imam an-Nawawi, dans son explication du Sahih Muslim, affirme que les savants considèrent unanimement la divination consistant à tracer des traits sur le sable, la géomancie, comme interdite, puisque si l'on s'en tient aux paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, personne aujourd'hui n'est en mesure de savoir comment le prophète en question traçait ses traits. Muslim. 1673. Abu Mas'ud al-Badri, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a rendu illicite l'argent de la vente des chiens, le salaire de la prostituée et celui du voyant. Al-Bukhari et Muslim.